ela ela me faz sorrir, fanfarrona. Ok, já porta casa ou parola. Viras, ela é de preto. Ok, yo, ok, como a caravana passou força, me faz sorrir. Wop wop wop, ma post-trop. Ferme ta gueule et pèse d'un temps. Ne cherche pas, j'ai pas 33. Que du nana ou du bouga blanche. J'ai pas de septa en forme de bombe. Une belle fatma qui te la danse du ventre. Une bonne marque avec des cuisses de porc. Je laisse pisser le mérinos. Sniff la poudre de mes bastos. Quand j'ai go trip sur la prod, j'pose mes rimes bloc sur bloc. Moi j'dépasse les limitrophes de la zig rap hip hop. Comme Paris j'reste hip hop. Oui Paris j'aime la côte. Ma famille, one love, mes proches. Faites-moi cheese que je prends la toffe. Pour goût de souvenir dans ce monde atroce. Ou trop de caniches, des anti-goy. Extrapole la conduite qu'il faut entreprendre. Faites-moi rire avec vos larmes de la coste. C'est le zebda qui a trop de fierté de sacerdoce. J'ai pas choisi de naître en France. Ne cherchez pas ma vraie country, c'est après la mort. Soit le paradis ou le feu ardent. Mais pour le moment, j'mène ma vie trop ardos. Y'a pas de magie ni j'philosophe. Y'a rien que le digne qu'un portrait pense.